d'un monde qui nous aveugle, dont on oublie l'essentiel, constamment sous influence, et dont on perd les repères, se sentir parfois tout seul. Écoute la leçon qui suit pour t'aider à y voir clair. Elle se veut leçon de vie. De vue l'horizon, s'écarter du droit chemin, c'est perdre sa voix, sa raison. Et l'instinct, mêler les armes et la force, ton plaisir à faire souffler. Qu'y a-t-il de plus féroce? Grand désir, venir à bout de ses liens, à la sueur de son front, pour de meilleurs lendemains. Hors du fond, l'humour et la dérision sont de bien précieux outils pour éviter les tensions. Et tu ris, leçon de vie que tu entends, tu le rejettes ou tu le prends. Seul maître de ton chemin, personne ne te retient. Un seul faux pas de ta part que tu garderas en mémoire peut devenir un cauchemar. Un trou noir, saisir la chance quand elle vient, savourer l'instant présent, aider ceux à qui tu tiens. Maintenant, on te demande pas l'impossible pour t'adresser à autrui, un simple geste de respect qui suffit. Avoir les bonnes cartes en main, savoir en tirer profit, on choisit pas son destin. C'est ainsi, leçon de vie que tu entends, tu le rejettes ou tu le prends. Tu es seul maître de ton chemin, personne ne te retient. Fuir la peur qui t'entoure, ou l'affronter sans aucun détour. Que tu entends, tu le rejettes ou tu le prends. Tu es seul maître de ton chemin, personne ne te retient. Leçon de vie que tu entends, tu le rejettes ou tu le prends. Seul maître de ton chemin, personne ne te retient. Non, personne te retient. Non, vraiment personne. Non, personne ne te retient. Allez, vas-y, choisis.